Alors, encore une fois, j'ai fait, au passé simple joueur, se dit... Il fait. Et il a fait, simple joueur, ça sera donc... Hizo. Hein? D'accord, hizo. Pour ce verbe-là, avec je et il, elle ou usted, n'accentuez jamais la terminaison. Donc, hice et hizo. Hein? Et avec il ou elle au pluriel, ça sera hicieron. Et avec tu, hiciste. Et avec nous, hicimos. Alors, avec tout ce verbe, qu'il soit en ar, er ou ir, peu importe, avec tout ce verbe donc, ce club, on a « et « o », oui, mais ensuite, ça fait « hieron »,« iste » et « imos ». Donc, ce n'est pas « aron »,« aste » et « amos », mais « hieron », »,« iste » et « imos » pour tous les verbes de ce club. Alors, « pousser », c'est « j'ai mis » au passé sans plongeoir. Et ils ont mis Pusieron. Et avec tu? Pusiste. Et avec nous? Pusimos. Et ils ont eu, toujours au passé sans plongeoir. Ça sera, hein, ils ont eu? Hicieron. Ils ont eu. Tuvieron. Tuvieron. Hein? Et tu as eu, sans plongeoir? Tuviste. Et avec nous? Tuvimos. Hein? Et j'ai dit, sans plongeoir? Dije. Et il a dit, sans plongeoir? Dijo. Il ou elle ont dit, hein? Toujours au passé sans plongeoir. Dijeron. Encore une fois. Dijeron. Dans ce cas précis, il faut supprimer le « i hein? ». Dijeron. Hein? Donc, dijeron au lieu de dijeron. Hein? C'est dijeron. Hein? Dijeron. Bien. Hein? Dijeron. Alors, ils m'ont dit, hein, sans plongeoir. Me dijeron. Et donc, vous, hein, ustedes, ne m'avez pas dit, sans plongeoir. No me dijeron. Nous vous avons dit, sans plongeoir, hein, et vous vous adressez à usted. Le dijimos. Encore une fois. Le dijimos. Le dijimos. Hein? Alors, comment direz-vous à usted? Vous ne m'avez pas dit que vous alliez arriver aujourd'hui. Vous ne m'avez pas dit, hein, au passé sans plongeoir. No me dijo, oui, que vous alliez arriver aujourd'hui. Que iba. Bien, no me dijo que iba a arriver aujourd'hui. Llegar hoy. No me dijo, oui, que iba a llegar hoy. No me dijo que iba a llegar hoy. Je vous aurais attendu. Le habría esperado. Bien, le habría esperado. Donc, no me dijo que iba a llegar hoy, le habría esperado. Vous ne m'avez pas dit que vous alliez arriver aujourd'hui, je vous aurais attendu. No me dijo que iba a llegar hoy, le habría esperado. Comment direz-vous la même chose à quelqu'un que vous tutoyez? Tu ne m'as pas dit que tu allais arriver aujourd'hui. Hein? Donc, tu ne m'as pas dit, sans plongeoir. No me dijiste. C'est ça. No me dijiste que tu allais arriver aujourd'hui. Que ibas a... D'accord. Que ibas a... Ibas a... Ibas a arriver. Ibas a... Llegar. aujourd'hui? Hoy. D'accord. No me dijiste que ibas a llegar hoy. Je t'aurais attendu. Te habría esperado. D'accord. Te habría esperado. No me dijiste que ibas a llegar hoy. Te habría esperado.